La source de toutes nos peines, c'est une seconde, si l'on oublie, Où en est le monde? Où en est le monde?